21-28, activation orale, 6 mètres. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Est-ce que vous êtes drôle? Et vous dites. Oui, je peux être très drôle quand je m'y mets. Allons-y. 2. Ce que Robert est cérémonieux. Oui, il peut être très cérémonieux quand il s'y met. 3. Ce que Mireille est sentencieuse. Oui, elle peut être très sentencieuse quand elle s'y met. 4. Ce que vous êtes embêtants tous les deux. Oui, nous pouvons être très embêtants quand nous nous y mettons. 5. Ce que tu es agaçante. Ouais, je peux être très agaçante quand je m'y mets. 6. Ce que les professeurs sont embêtants. Oui, hein. Ils peuvent être très embêtants quand ils s'y mettent. 7. Est-ce que vous êtes spirituels tous les deux? Ah oui, nous pouvons être très spirituels quand nous nous y mettons. 8. Est-ce que les parents sont autoritaires? Oh oui, ils peuvent être très autoritaires quand ils s'y mettent.